Pourquoi faut-il réimaginer le monde? Il y a une querelle philosophique qui peut paraître abstraite autour de la question de l'imagination et qui touche peut-être au cœur de la politique et de l'histoire contemporaine. C'est autour de la question de l'imaginaire et de la position d'un certain Jean-Paul Sartre qui, comme toujours, avait quelque chose d'assez radical dans un livre publié juste avant la Seconde Guerre mondiale en 1940 et intitulé « L'imaginaire ». Dans ce livre, Sartre soutient fortement l'idée que l'imaginaire nous arrache au réel, que l'imaginaire est quelque chose d'irréel qui est aussi le signe de la liberté de l'imagination humaine, que notre imagination nous révèle que nous ne sommes pas des choses enchaînées au monde, mais que nous sommes des consciences, des subjectivités, des êtres libres et historiques qui se projettent dans l'avenir avec une image individuelle du projet fondamental et une image collective de l'histoire universelle. C'est par cet imaginaire que les êtres humains s'arrachent au monde et entrent dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de querelles, et à juste titre, pour dénoncer cette vision dualiste de l'imaginaire, qui coupe notre imaginaire des choses et des effets de la vie. Il est faux de dire en un sens que notre imaginaire dépend entièrement de nous. Notre imaginaire nous est imposé par notre expérience, nos expériences vitales, les expériences douloureuses aussi du monde d'aujourd'hui, à tel point d'ailleurs que l'imaginaire historique aujourd'hui est l'imagination du monde, l'imagination de notre vie est plutôt hantée par des souffrances et des destructions que projectives, utopiques, libres, nous projetant vers un avenir universel. Il y a donc une imagination qui ne dépend pas de nous, que nous subissons. Mais l'erreur de Sartre est-elle complète pour autant? Peut-être qu'il faut plutôt penser l'imagination au sens de Sartre, l'imagination créatrice, l'imagination positive, l'imagination émancipatrice comme une imagination seconde, comme une réimagination de nous-mêmes et du monde. Peut-être qu'elle n'est pas première, qu'elle doit lutter en effet contre un adversaire intérieur redoutable, cet imaginaire qui marque notre appartenance au vivant et au monde, mais que malgré tout, nous ne sommes pas pour autant les objets passifs d'un imaginaire qui nous dominerait, mais quand même les sujets d'une réimagination, de la projection d'autres images qui ont toujours quelque chose à voir, comme Sartre l'a vu très profondément, plutôt dans son livre d'après, dans L'être et le néant, avec l'avenir, l'idée même de projet, l'imagination du monde, c'est toujours l'imagination d'un avenir. Réimaginer le monde, c'est toujours l'imaginer différent. Ça ne veut pas dire viser une utopie abstraite et attendre. Ça veut dire que pour agir, pour transformer le monde, nous avons besoin d'une imagination positive de ce que nous désirons. Réimaginer aujourd'hui un monde commun, c'est un programme fondamental pour agir contre les dangers du monde. Si nous n'avons pas cette imagination, qui passe aussi évidemment par la littérature, comme chez Sartre, et par l'art en général, qui passe par la construction d'images vitales contre des images qui peuvent nous détruire et qui, en effet, nous donnent l'impression de la destruction. Si nous n'avons pas cette ressource de la réimagination, alors comment reconstruirons-nous le monde ?